And freedom is beautiful. And, you know, it'll take time to restore chaos and order, but we will. La mondialisation pousse à la délocalisation et nous nous mobiliserons, nous les entrepreneurs, dans les régions pour donner à tous des raisons d'y résister. Mais il faut pour cela, on le sait, réduire les charges, c'est-à-dire réduire les prélèvements, c'est-à-dire réduire la dépense publique. Les services publics les plus rentables constituent les premières cibles de la libéralisation. Une France qui croit à la croissance mondiale sait que c'est par la réforme, par le mouvement que l'on fait face à l'avenir. Tendance tout à fait normale. Toutefois, il y a toujours de la spéculation qui règne autour du compartiment bancaire. Il y a de nombreux mariages réalisés, d'autres en cours, des rapprochements de banques qui se font notamment à l'étranger. À Paris, on attend bien sûr la fin de la privatisation du Crédit Lyonnais. Commercialiser les produits vers une clientèle d'investisseurs, les grandes compagnies d'assurance et caisses de retraite, les grandes gestions dans le monde. Pourquoi les pays riches viennent-ils ici ? Les gens des pays les plus riches et les plus peuplés viennent chez les plus pauvres pour piller leurs ressources, pour commercer, pour vivre encore mieux et nous rendre encore plus pauvres. 1 million vivent désormais sous le seuil de pauvreté. La moitié de la population ne peut plus se nourrir correctement. Sur le pied de guerre, entre information et propagande, la presse est en première ligne. Le régime irakien complote depuis plus de 10 ans pour fabriquer de l'anthrax, des gaz neurotoxiques et des bombes nucléaires. Des états de ce genre et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal, dont le but est de menacer la paix dans le monde. Désormais en pourrissement avancé, la bourgeoisie internationale n'a aucun réel programme. Elle navigue à vue dans un océan de mensonges, de privations et de misères, et tire sur tout ce qui bouge à mesure que les immenses vagues de la contestation des peuples grossissent. Il faut bien comprendre que cette classe suicidaire est face à un choix tronqué, soit sombrer, soit détruire l'humanité. Et tous les signes de sa politique attestent maintenant que la traque à la vie est en marche. Après un siècle où la domination a frôlé la mise à mort brutale de l'espèce humaine, elle opte, non sans avoir complètement écarté ce premier risque, pour une lente agonie de tous. Tout ce qui a constitué un progrès depuis 500 000 générations est en passe d'être éradiqué. Vient le règne absolu de la marchandise, dont le royaume s'étendra bientôt au plus profond de l'intimité de chacun et dans les paysages détraqués et stériles de l'harmonie naturelle, à jamais abîmée. Et cette colonisation violente prend les formes les plus vulgaires de toutes les horreurs connues dans l'histoire. La décadence impérialiste génère les réminiscences accélérées des plus anciennes formes de barbarie. Tandis que poursuivant la route qui la mena à Hiroshima et à Auschwitz, la science aliénée aux intérêts marchands prépare l'apocalypse dans des laboratoires où les ordres sont dictés par de sinistres financiers. Le 11 septembre 2001 a sonné officiellement le début de la chasse au peuple, laquelle ne connaît par définition aucune limite. Voici donc venu l'ère du combat final entre la furie mortifère d'un capitalisme en phase terminale et l'humain. C'est l'Organisation Mondiale du Carnage. L'Organisation Mondiale du Carnage. L'Organisation Mondiale du Carnage. Pourvache, exploitation et fait des ravages. Tal bâche, nous tous les pillages. Marche de la vie qu'elle boit sous ses rouages. Message pour le fric et son œil d'otage. En cache, l'humanité vira son image. Business s'engraisse à tous les étages. Il laisse sa graisse, il laisse rien sur son passage. Haine, une voix s'élève qu'on enchaîne. La productivité règne, ce feu se règne. Entraîne l'humanité au fond du gouffre. Le règne où la majorité souffre. Le monde étouffe sous le poids des libéraux. Réalité sombre de la désidéo. Dans une société individualiste, tout le collectif fait pas partie des impératifs. C'est l'intérêt privé contre l'intérêt social. Marche grève idéale, la loi du capital. Dans un monde supranational, infernal, un monde global. Concentration des richesses et moyens de production. L'intérêt social est en voie d'extinction. Privatisation, division, exploitation. La loi du capital soumet les populations. Quand je constate la misère intellectuelle de ma génération qui va s'appauvrissant, je comprends que ça correspond à des directives supérieures d'assainissement. Une déresponsabilisation endémique qui vise à la désimplication du jeu politique. Pour faire qu'en conclusion, chacun accepte sa condition. Ça veut aussi dire celle des autres, de ceux qui pèsent, qui créent, dont les riches se font. La terreur, la mort, l'humiliation, répondu sur des la globalisation. global, monde global, l'organisation mondiale du carnage. L'organisation mondiale du carnage. L'organisation mondiale du carnage. L'organisation mondiale du carnage. L'organisation mondiale du carnage. Pompage, exploitation, effet des ravages. Capital, bastion de tous les pillages. Marche de la vie qu'elle broie sous ses rouages. On a un schéma classique dans lequel on privatise les bénéfices et on socialise les pertes. Et l'intérêt des peuples dans tout ça? Eh bien, les peuples vont avoir à payer leur redressement. Eh bien, les peuples vont avoir à payer leur redressement. Eh bien, les peuples vont avoir à payer leur redressement. Un présent atroce forgé à coups de crosse. De puissants colosses formés à rompre les corps d'une résistance féroce opposée à l'intox. À présent, nos forces sont portées à l'amorce d'une révolution sans pitié et populaire, dont l'évolution sans doute est planétaire. Un mouvement de profondeur poursuivant dans sa fureur l'écrasement salvateur du possédant destructeur. L'heure n'est plus aux pleurs ni à la peur résignée, mais aux vengeurs punisseurs leur rang emmagasiné par nos ancêtres jusqu'à nos fils éclairement assumés par des piètres bourges dont vivre enchaînement laminé. L'état elle sur son passage pour tous les obstacles et pillages. Le capital dans son sillage, c'est inutile naufrage. La fin des sages. Il abîme l'unique visage de l'organisation mondiale du carnage. Ce processus opéré par la classe dominante des membres dont nous plus enragés la casse marchande la pauvre soif en maté soit l'être qui existe. Ce qui lui doit être pas détendu lire au capitalisme. Les achèvements du FMI structure la chute vers la misère. Injustement dit que la famille au bruit des ministères. Commissaires européens tels Pascal l'ami. Ses austères gardiens du libéral sans compromis. Pour réduire le coût du travail ils achèvent les travailleurs. Et pendant que pour y parler par une enclave du labeur où je meurs on meurt. Étiquette d'échelle sociale pour le bonheur de la froideur des coffrets de la Banque mondiale. Il faut le communautarisme pour mater l'individu à l'obscurantisme. Pour pacifier les pauvres, ils n'ont rien trouvé de mieux que l'organisation mondiale des clivages religieux. Ni l'abrutissement marchant flagrant du généralisme, ni l'asservissement du croyant que les grands sacralisent. Non, le dernier mot est de tous les mots répandus. La religion est de bon, plus sur les plus étendus. Des hommes d'affaires, fossoyeurs des libertés démocratiques, d'une main de fer imposteur. Véléide et tyrannique, une norme de boucher nazi, agir ainsi pour cataclysme. Comment la couche Sarkozy bâtir l'autoritarisme. Vraiment un emport du militaire, flumiste de l'intérieur. Avec docteur, assis ses chefs, assis ses logique du fric, les conglomérats médiatiques endémiques, conditionnent les données encéphalographiques, fixe l'intérêt du bourgeois en vision de la vie unique, vendu du populon par des tuques cathodiques. Les tonnes de grève sont sabotées par les centrales syndicales, bonnes élèves pas dictées par la cabale patronale. Mais la colère, rien de tolère plus ses traîtres partenaires, le prolétaire contestataire doit être auto-gestionnaire. Les bulldozers, la réaction, on conquiert les territoires, ceux que nos pères en sédition illuminèrent l'espoir. Aussi puisque vous choisissez de briser le consensus, sachez que la prochaine saignée sera votre terminus. Et vos armées de vermine qui génocide en Tchétchénie, néo-fascistes et par Poutine, se dissimulent à l'agonie. Et vos colonnes de coins qui passent pour monopole du pétrole, en l'or du coq finir en séduit sous sol. Mais déjà vos chars, tu tous les patates dynamiques, en Bolivie, le peuple des polémures, c'est à l'élite. Les vallées de l'impérialisme en viennent à comprendre trop tard. Comme tu libéralises, le pouvoir n'a pas de victoire. Comprends bien, camarade, que l'ennemi classe est en rabat. Et quand sa panoplie grâce à l'excès de parade, attaque sur les services publics et la protection sociale. Enfin, les élites des flics, y'a plus cette mission brutale. Sauf qui peut autant de l'ordre totalitaire, qui veut pétante les corps, je suis révolutionnaire. Comme à Carlo Giuliani, fin du type détentionnaire, ou hors de Berlusconi, pervers ou mince ingénieur. L'air empêche la répression nécessaire à la régression sociale, les restes d'émancipation sont en désintégration générale. Les défenses des milices du patronat, que sont la police nationale et la défense de l'État. Le bloc de la somme politique comme du style, le club n'est plus pour l'homme dans son nouveau style. À l'ère financière, les tenants de la production, ça vient suicidaire, condamnant chaque génération. Pourtant, le temps va venir où nous allons bien courir. Voyons nos dames en pâlir, rendons-nous. frappé d'animadversion. Sans cirer sa terrain, je gêne en pleine ébullition. Il voudrait m'empêcher de m'exprimer, de parler, de réveiller les cons. Sans se réfléchir sur leurs idées, leurs idées. Mon logis me semble stérile. Leur bon tour sur le monde, je mets en péril. Le CSA n'a fait qu'activer mon QG. De moi derrière les bourges qui n'a fait que contrôler la réalité du quotidien et modeler. Les radios, la musique, les télés sont façonnées, sélectionnées. Et d'un terme qui me hante, déjà ne pense pas la moitié de ce qu'on nous présente. Sans presse, Ipsos, qui ne sait, qui ne sait. Que les sondages ne sont là que pour nous sucer. L'information est riche et dictée par la corruption. Un peu sur les jetés d'une langue de Roussillon. Diabolique, je suis pas là pour te chanter des cantiques arabiques. Ma caractéristique est mosaïque, des rimes élastiques, 100% chaotique, maléfique. Pour une politique sans éthique, pas comique. Je suis chimique, télé ma rubrique. Roule des mécaniques à la manière des Stanley Kubrick. Unique à manger, je rafique épique avec mon air synécologique. J'ai comme signe astrologique, le moustique, dogmatique. Je ne lis pas le mémitique, coranique. Et ma lecture, j'en suis fanatique. Cinématique, ma mistresse et ma haine du magnétique. Qui t'entraîne à l'arrière-boutique d'une vie aromatique. Je revendique d'un pays sans disant laïque. La détresse d'une jeunesse édifique, hépatitique. Vu que la société ne fait rien, systématique, frénétique. Des voitures brûlent, journalistiques. Je passe à la télé et des héros publics. Mais des zéros dératés pour une phrase utopique. Optique d'une vie pacifique, aux gens poétiques. Portez pour moi, opposer l'élection hiérarchique. Géographique, je viens d'Afrique, à trois bédines. Moutaille d'une du pipe, passe des maths à la physique. Mise sur moi, les pronostics me décortiquent. J'ai fidèle même pragmatique. Mais un hic, les flics, bien être écrit qu'on braque. Contre ma mobile et t'explique. Ma rage contre ces comiques tragiques. Les miens dans cellules, le baron métallique. Fini de former frère, faire serrer pour que tu fasses mes dues. Achoa, de l'antique à la République. Moutaille d'une du pipe, censure, c'est loin archaïque, mes dues. Achoa, de l'antique à la République. Moutaille d'une du pipe, censure, c'est loin archaïque. La métaphore d'un jeune sensé, la scène c'est mettre à stigmatiser mes pensées, analyser, improviser, qu'autoriser. Mes textes simples, le souffle, prêt à exploser. Allume la mèche, surpris de voir la prochaine physique. Quand le poète des temps modernes se met à citer la Micheline Vim du petit train sublime. Stacker l'hésitation, flirte avec toutes les combines. Dans un livre, la furieur d'un jardin d'enfants où nos gosses ne peuvent plus s'épanouir librement. 9-9-7, de nouveau seul, face à ma feuille. On t'attend que je suis depuis bien longtemps en état de deuil. Au jour d'aujourd'hui, combien de familles ont été anéanties par l'armée russe, la grosse née anti-génie. Depuis trop longtemps, des enfants au Pakistan peuvent être vendus par leurs parents pour moins de 100 francs. Ainsi quotidiennement, voici comment dès l'âge de 4 ans, avec acharnement, ils s'accrochent à la vie. Ils des tapis, moyennant un roupie. L'ironie de l'histoire avec un grand H. Cette ironie barbare veut que l'on sache que comme la grande Apour, le quartier général des forces russes aurait fait établir près de son bâtiment un camp où seraient abattus allègrement des adolescents. Voulez-vous savoir comment l'on nomme cet endroit terrifiant? Ce lieu est simplement appelé, hey, le jardin d'enfants. Notre monde pour ressuscite, les pratiques que je m'élucide. Pense à tes enfants. Notre monde pour ressuscite, les pratiques que je m'élucide. C'est quand tu consommes de brimer au milieu de la vie. Notre monde pour ressuscite, les pratiques que je m'élucide. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Je parie sur mon avenir et à tous les coups je perds ma vie. Oui, notre monde court au suicide. La triste réalité revient plus acide. Dans la verbalisation il y a prise de conscience. C'est pour ça qu'écrase ce texte, c'est comme en valet jouvence. Se trouver rajeuni par l'élixir de la vie. Se servir de celui-ci pour comprendre celle-ci. Si toi pas compris, toi venir un jour voir ma thésie. Que le destin ait voulu que tu vives à Bobigny. Que tu sois fils des HMI, tout a laissé la scie. Sache que c'est pas petit homme, il n'y a pas de tiépi. Surtout si tes aînés t'ont inculqué leur connerie. Je parle au bamba homo. Ceux qui courent sur le macadam au bamba homo. Ceux qui dans la savane au grand bar au môme. Pense aux gamins de 13 ans qui deal du touchy. À 12 printemps, ils travaillent dans leur nemi. Tu me suis, pense à l'escouadron de la mort au Brésil qui tue les enfants sans famille. Pense, agis aussi mais réfléchis. Un présent décadent ou un futur potent se fige. J'ai choisi, pense trop tu leur dis. Notre monde pratique le juvénicide. Cette pratique qui consiste à pousser la troisième génération dans le vide. Qu'avons-nous à espérer pour nos enfants? Les famas dans leurs mains et être bien au carré dans les rangs. À couler, couler, coulera encore au nom d'un état qui ne voit que la nation d'abord. Or, chacune a son procédé, l'élimination, mais la situation se répercute. Import-export. Dans ton Extrême-Orient, en Occident, pour faire la pute. Même tu à la loupe, du cargo à la chaloupe, tout le monde bat la même soupe. Je me demande parfois pourquoi je lutte, que ma branche chute. Dans le monde entier, c'est pour flingue interposé que les pompes à chahutes. Devant moi se dessine un sombre futur. Reste perplexe, le sang d'enfant devient les larmes d'encre qui coulent sur mon texte. Notre monde pratique le juvénicide. Un soi-disant fils de la patrie paré pour un putain de Paris. Notre monde pour ressuscite, pratique le juvénicide. C'est tant que tu continues à la métaphore historique, la nuit assise, qui rappelle rapide. C'est théorie celle du juvénicide. Insipide de ne pas exister. Mais pourtant c'est dit chaque jour dans le monde entier. Nous ne voulons plus être comptés parmi les victimes de ces doctrines destructrices. On n'est pas des politiques éliminatrices, promotrices de société définitivement socialistes. La cour de Pise est à terre. Notre planète tourne décidément à l'envers. Nous sommes aux prises avec un monde qui nous met le fer aux pieds, aux mains. Sorti destin aujourd'hui, je me bats pour le futur de nos gamins. Et ça le sens de la vie pour tout.